Agir pour soi. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Au fil des ans, j'ai réalisé que le processus de communication que je vis avec l'esprit s'adresse fondamentalement à moi plutôt qu'au collectif. Ils m'ont amené à effectuer plusieurs textes et un peu plus d'une centaine d'enregistrements sur Internet qui participent à son intégration dans ma vie. Comme les statistiques de visionnement de ces documents demeurent très faibles au fil des mois, j'en déduis qu'ils n'intéressent presque personne présentement. Néanmoins, ces activités m'ont donné l'occasion de manifester une volonté individualisée visant à m'engager dans une action pour mon évolution personnelle et de persévérer sans le soutien du collectif et la reconnaissance sociale. Donc, la production de textes et d'enregistrements m'offre l'opportunité de m'engager dans un mouvement reposant fondamentalement sur la manifestation de mon individualité. De plus, le fait qu'il y ait peu de visionnement me confirme, dans le concret, par rapport au fait que je ne peux pas changer le collectif par les idées que véhiculent des documents que je produis et sur la nécessité de me débarrasser de toute forme d'attente que je pouvais avoir à cet égard. Donc, je me déspiritualise et je deviens moins naïf. Fondamentalement, mes activités m'ont permis de réaliser que de vouloir conscientiser le collectif est une perte de temps, car les gens, en général, ne sont pas intéressés à changer leur fonctionnement psychique s'ils ne souffrent pas suffisamment de ses limites. Donc, il vaut mieux pour moi d'agir sur une base individuelle en vue de mon développement personnel. Essentiellement, mes activités me ramènent au principe que l'individu qui se conscientise est appelé à agir pour lui, fondamentalement, en vue d'être bien dans sa peau et de manifester son individualité. Agir pour soi implique d'accepter qu'il ne puisse amener une autre personne ou un collectif à évoluer à leur place. Donc, il doit accepter qu'il n'a pas à jouer au sauveur et qu'il n'a pas à changer le monde. Il n'a qu'à s'occuper de lui. Dans un autre ordre d'idées, la réalisation de mes écrits et enregistrements n'est qu'un prétexte pour moi en vue de m'amener à canaliser une vibration de plus en plus élevée, me mettant davantage en contact conscient avec l'esprit et me permettant d'intégrer sa présence et de vivre un rapport équilibré avec lui. Plus particulièrement, les pistes audio m'ont donné un espace de parole que j'ai pris pour moi en vue d'explorer ce qui émerge dans ma psyché par rapport à certains sujets. Cela a été aussi l'occasion de développer ma capacité de faire preuve d'un jugement de plus en plus individualisé, me permettant de me prononcer sur de plus en plus une grande quantité de sujets. Donc, ces enregistrements ont servi à faire évoluer mon jugement personnel. De plus, ces vidéos servent à compenser le fait que je ne peux pas parler de conscience supramentale ouvertement avec la plupart des gens de mon environnement immédiat, au travail, avec mes amis et membres de ma famille, qui ne sont pas concernés par elle et n'étant pas capables d'en saisir la vibration. Donc, ma chaîne YouTube est un espace que je me suis créé pour parler de choses dont je ne parle pas avec des gens en public, dans le but de ne pas leur créer de choc inutile, elle vise seulement les gens concernés. Ultimement, qu'il y ait beaucoup de visionnements ou non sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas important. De toute manière, si j'avais des milliers d'abonnés et que je recevais des centaines de courriels par jour, je n'aurais pas le temps de leur répondre, ou si je leur répondrais, je n'aurais plus de temps pour travailler, d'avoir des loisirs et une vie familiale équilibrée. Par conséquent, mon impopularité me sert et me permet d'avoir une vie privée agréable où je ne me fais pas continuellement aborder par des admirateurs, des journalistes et paparazzi, comme c'est le cas pour des vedettes d'Hollywood. De plus, le fait que je ne suis pas une vedette, cela fait en sorte qu'il y ait plus de gens qui écoutent les enregistrements réellement pour leur contenu plutôt que son messager. Cela sert à faire un triage et m'est utile car je suis seulement intéressé à m'adresser à ceux qui vivent vraiment un contact conscient avec le plan mental dans mes activités de communication. Je ne suis pas intéressé par les gens qui sont fascinés par les vedettes et qui leur vouent un culte comme les adeptes d'une secte. Je m'intéresse seulement aux gens qui sont matures dans leur psyché. Sinon, je fais des entrevues à mon rythme avec des gens que j'apprécie dans l'optique que cela me permet d'être bien dans ma peau et de favoriser mon évolution personnelle. De plus, ces activités m'ont permis de réaliser que je ne dois rien attendre de la part du public. Cette chaîne me confirme dans les faits qu'il existe des gens qui n'apprécient rien. Par exemple, il y a des gens auxquels j'ai répondu à des questions qu'ils m'ont posées et qui ne m'ont jamais remercié par la suite. Il y a des gens qui n'ont peu ou pas de générosité psychique envers autrui. Par contre, il y a quelques individus qui ont une capacité d'appréciation envers autrui, mais elles sont plutôt rares. De voir comment les gens se comportent avec moi et de ressentir la vibration qu'ils dégagent m'a permis de préciser avec lesquels je suis intéressé de tisser des liens ou non. Donc, cela me permet de faire le tri parmi les interlocuteurs potentiels. Également, je suis heureux de ne pas avoir fait de forum de discussion parce que c'est souvent le lieu où les gens cherchent à faire des guerres d'ego en cherchant à avoir l'attention du public et à dominer ces espaces web pour se mettre en valeur. Avoir un forum de discussion nécessite d'en faire la gestion 24 heures sur 24 pour éviter les luttes de pouvoir, l'intimidation, les escalades et les dérapages entre les participants. Je ne suis pas intéressé à me consacrer à cela à temps plein, de manière bénévole, parce qu'au fil du temps, je me déspiritualise et je deviens de plus en plus tanné des enfantillages. Au fil des mois, de discuter par courriel avec quelques personnes d'un peu partout dans le monde m'ont permis de réaliser qu'il y en a qui sont impliqués dans un processus de conscientisation dispersé à l'échelle du globe. Certains d'entre eux se plaignent de vivre de la solitude et de se sentir incompris par les gens de leur environnement immédiat, ne le vivant pas. Aussi, cela a été l'occasion pour moi de réaliser qu'ils sont très rares, ceux parmi eux qui ont la volonté de prendre la parole sur Internet pour eux en vue d'y manifester leurs vibrations. J'ai proposé à certains individus de faire des enregistrements sur le web comme prétexte pour développer leur capacité à manifester une parole vibratoire, mais pour la plupart, cela ne les intéresse pas. Certains me disent ne pas être capable, être gêné, ne pas avoir le vocabulaire, etc. Je leur ai dit que si moi, qui présente de nombreuses lacunes importantes en matière de communication, ai décidé de prendre la parole, eh bien, il y en a aussi certains parmi eux qui sont capables de le faire aussi. Il m'arrive parfois d'être gêné, de manquer de spontanéité, d'hésiter, d'être monotone, de vivre du doute, de parler de manière saccadée, de me méprendre sur le genre de mots et leur prononciation, etc. Par contre, cela ne m'empêche pas d'avancer et de continuer à prendre la parole pour raffiner continuellement ma capacité à communiquer et à manifester ma vibration. Mieux vaut rester en action et persévérer pour soi, même si c'est pas parfait, que de rien faire du tout et d'être dépendant des autres. Si j'avais attendu que ma parole soit parfaitement ajustée avec le plan mental pour parler, je n'aurais jamais fait d'enregistrement et je ne me serais pas donné accès à mon savoir en le canalisant en m'exprimant. Ainsi, je n'aurais pas eu l'audace de le générer en communiquant. Et j'aurais sans doute continué de m'abreuver de paroles de guide, de maître et d'initié. Donc, je ne me serais pas individualisé et je serais demeuré dépendant, disciple et l'élève d'une ou d'autorités extérieures à moi pour savoir. Sinon, je désire mentionner que la plupart des principes que j'aborde dans mes enregistrements sont en relation avec des choses que j'ai à intégrer davantage dans ma vie. Je suis un être en processus d'évolution. Ils sont une forme d'autothérapie que je me fais, car après tout, si ces enregistrements doivent servir à quelqu'un, cela doit être à moi d'abord. Il y a un adage qui dit que nous enseignons si bien ce que nous avons besoin d'apprendre. Par conséquent, lorsque je répète fréquemment dans mes enregistrements qu'il est important d'être stable dans le mental, c'est parce que je ne le suis pas encore assez. Lorsque je parle de l'importance de s'affirmer, c'est que j'estime que je pourrais le faire davantage dans mon quotidien avec les autres. Sinon, lorsque je parle de l'importance de faire preuve de jugement constamment, c'est parce que, comme beaucoup d'humains, je dois en développer davantage en vue de faire croître mon intelligence individualisée. Donc, de prendre la parole pour parler de certains sujets m'amène à définir ce que je dois intégrer. Que ces enregistrements rejoignent ou pas des gens, cela ne me dérange pas car ils m'auront servi. S'ils sont utiles pour certaines personnes, tant mieux, ou sinon tant mieux aussi, parce qu'au minimum, ils servent à mon développement. Ultimement, ces enregistrements servent mon auto-développement et à me libérer moi-même de ma propre astralité. Donc, mon but n'est pas de libérer l'humanité du plan astral, mais de m'en libérer moi-même pour être bien dans ma peau. Donc, je ne porte pas le sort du monde sur mes épaules, je n'ai pas de mission, et je m'occupe plutôt d'être bien dans ma vie. Cela me suffit. Voilà ce qui complète la lecture du texte qui s'intitule « Agir pour soi ». Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement.